Que se passe-t-il quand les êtres de Bulk referment le Tesseract? Ou plus exactement, à quel moment la science-fiction qui se veut réaliste peut-elle prendre ses distances avec les exactitudes scientifiques? Quelle est la limite entre la volonté d'être rigoureux scientifiquement et la licence poétique, la nécessité d'adapter les strictes règles de la science aux besoins de la narration? Il y a tout un courant de la littérature de SF qui s'astreint à une extrême rigueur scientifique, quitte parfois à être taxé de complexe, voire d'illisible ou d'imbitable. Ce courant, c'est la hard SF, son héros, Greg Egan. Alors jusqu'où peut-on pousser la complexité scientifique? Avec quelle intention et pour quel résultat? Science-fiction, plus c'est hard, plus c'est bon. C'est le programme rigoureux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique, en direct et en public des Utopiales. Et quel public, Mazette, on ne vous a jamais vu aussi nombreux à la Cité des Congrès à Nantes. Merci d'être ici en si grand nombre. Et pour décoder, puisque c'est le thème de cette édition des Utopiales, les chants de la hard SF, et essayer de comprendre où est la limite entre l'intelligible et le simple plaisir de lecture, nos trois arpenteurs des allées retorses de l'exactitude scientifique littéraire sont aujourd'hui Sylvie Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, essayiste, autrice de Dedans, Dehors, de La Saison des Singes et l'Empire du Sommeil à l'Atalante, également traductrice de Greg Egan. Bonjour Claude Ken. Bonjour. Vous êtes romancier, nouvelliste, notamment le recueil Le Monde tout droit réservé, c'est aux éditions du Bélial. Et bonjour Éric Pichol. Bonjour. Vous êtes physicien au CNRS, spécialiste d'optique non linéaire et quantique et auteur de nouvelles. Mais avant de plonger dans les méandres de la science dure, dans la fiction, nous allons rester dans la science dure, mais dans la réalité, avec le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et pour commencer ce journal, une étude parue dans Nature Neuroscience, nos prises de décision sont en réalité plus guidées par des erreurs d'évaluation de notre cerveau que par notre curiosité. Une équipe INSERM s'est posé cette question. Pourquoi certains de nos choix semblent poussés par l'envie d'explorer l'inconnu? Par exemple, dans quel restaurant dîner ce soir? Plutôt cette adresse qui m'est chère ou plutôt celle-ci que je ne connais pas? Une expérience a été menée avec une centaine de personnes placées dans un jeu de machine à sous. Il devait choisir entre deux leviers, un qui marche et qui enclenche des récompenses, et le second plus incertain. Ils ont ensuite créé un modèle mathématique du comportement et enregistré l'activité cérébrale des participants. Lorsqu'il est amené à réaliser deux fois le même choix, on voit que le néocortex, une zone impliquée dans la prise de décision, fluctue et n'active pas exactement les mêmes régions cérébrales. Valentin Viard est chercheur INSERM au laboratoire de neurosciences cognitives de l'ENS à Paris. Il est co-signataire de cette étude. Ce qu'on s'est rendu compte, déjà au niveau juste comportemental avec cette approche de modélisation, c'est qu'en fait, plus de la moitié de ce que les gens appellent habituellement des choix exploratoires tirés par la curiosité, étaient en fait des choix qui étaient uniquement le résultat d'erreurs d'évaluation des options. Autrement dit, ça implique que beaucoup de ces choix que les gens pensent être des choix curieux le sont en fait totalement à l'insu des sujets, sans aucune intention consciente d'explorer. Les sujets commettent des erreurs, ils ont l'impression de choisir le meilleur levier, mais ils le font sur la base d'informations incorrectes calculées par leur cerveau, et donc sont poussés à commettre des erreurs. Une fois qu'on avait ce nouveau modèle mathématique qui montrait que les sujets commettaient des erreurs d'évaluation, ben on s'est demandé quelles étaient les régions cérébrales qui s'activaient lorsque les sujets commettaient ces erreurs d'évaluation. Et là, ce qu'on s'est rendu compte de façon assez évidente, c'est qu'en fait, les régions cérébrales qui étaient habituellement associées à l'exploration dans ce genre de jeu sont en fait exactement les mêmes régions qui s'activent au moment d'erreur d'évaluation. Autrement dit, ces régions sont peut-être probablement plutôt des régions qui reflètent à quel point on est précis lorsqu'on met à jour la valeur des différentes options parmi lesquelles on choisit, mais ne sont pas nécessairement les régions de la curiosité. Et donc, c'est assez important pour essayer de comprendre d'où vient cette exploration vers l'inconnu et pour comprendre de façon générale comment fonctionne le cerveau, parce que vous comprenez bien que c'est un problème si on pense que telle région cérébrale est la région de la curiosité, alors qu'en fait c'est uniquement une région qui régule la précision de nos calculs dans le cerveau. En bref, selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Science, nous aurions peut-être découvert un nouveau type de trou noir. Un minuscule trou noir, presque indétectable. Les chercheurs de l'université de l'Ohio ont étudié les mouvements d'étoiles à 10 000 années-lumière de la Terre dans un système de la constellation du Cocher. Une géante rouge de 3,2 fois la masse du Soleil orbite autour d'un objet qui ne fait que 20 km de diamètre, c'est-à-dire la longueur de Manhattan, mais de 3,3 fois la masse du Soleil. Il s'agirait d'un trou noir calme, car contrairement à ses semblables, il ne semble pas dévorer les gaz de son étoile partenaire. Il manque encore des données afin de pouvoir trancher sur la nature de cet objet. Une étude parue hier dans Science Toujours nous apprend que les néonicotinoïdes affectent aussi les écosystèmes aquatiques. On connaît les effets ravageurs des pesticides sur les abeilles, mais nous n'avions pas encore mesuré les effets collatéraux de ces produits sur les poissons. Cette équipe japonaise a analysé 20 ans de données de surveillance de la qualité des eaux, et notamment celle d'un lac. Dès l'utilisation des néonicotinoïdes dans les rizières en 1993, la biomasse du plancton a chuté de 87%. Cela a ensuite impacté tout le reste de la chaîne alimentaire. Les chercheurs montrent l'effondrement de deux espèces de poissons d'eau douce qui se nourrissent de plancton. Et une étude parue dans Scientific Reports montre que les Néandertaliens savaient maîtriser le feu. Alors on s'en doutait, mais on ne savait pas s'ils savaient déclencher un feu. Une équipe internationale prouve qu'ils en étaient bien capables. Ils ont analysé la composition chimique d'une ancienne grotte. Le taux d'isotopes d'hydrogène dans les couches sédimentaires montre une utilisation intensive du feu par les Néandertaliens. De plus, l'étude montre que les feux de forêt autour de cette grotte étaient rares. Homo sapiens n'a donc pas le monopole du feu. Et toute cette semaine, dans le Journal des Sciences, Natacha, on a parlé des mécanismes des leucémies infantiles, du Botswana qui serait le berceau de l'humanité, du fonctionnement d'un nouveau traitement contre la grippe et de la première observation in vivo des protéines Alzheimer dans le cerveau. Mais cette semaine également, Natacha est en ultra bref. Aujourd'hui, la Russie entame la première phase de test de son propre réseau Internet, le Runet, un système national complètement fermé. Officiellement, ce serait pour se protéger des cyberattaques. Le projet de loi permettra à Moscou de se couper des réseaux étrangers. Et enfin, les chercheurs de l'université d'Oxford viennent de prouver qu'il suffit de penser à une lumière vive pour que nos pupilles se contractent. Ce mécanisme nous permet d'anticiper un changement de luminosité avant qu'il ne se produise. Et nous passons, comme un vendredi sur deux, au journal de la science-fiction. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la Physical Review, dans cette revue qui propose une nouvelle méthode de détection des trous de ver. Les trous de ver, dont les auteurs de science-fiction sont très friands. Les trous de ver, ce sont des tunnels dans l'espace-temps qui viendraient d'un trou noir et qui émergeraient vers un trou blanc, le reversé temporel du trou noir. C'est une prédiction de la relativité générale, mais pour le moment, nous n'avons aucune observation, ce n'est qu'hypothétique. Un duo sino-américain propose une façon d'en obtenir une preuve indirecte. Il s'agit de cibler les perturbations dans la trajectoire d'une étoile proche d'un trou noir, pour tenter de comprendre ce qui se passe de l'autre côté du tunnel. Alors, si vous avez deux étoiles, une de chaque côté du trou de ver, l'étoile de notre côté devrait ressentir l'influence gravitationnelle de celle qui se trouve de l'autre côté. Pour mieux comprendre, c'est ce qui se passe, pour visualiser l'idée, c'est ce qui se passe quand on prend une douche. Si mon partenaire dans le jardin tire de l'eau froide, la température de ma douche va changer. Germain Rousseau est chargé de recherche CNRS et physicien à l'Institut Pepperdine à Poitiers. L'étude sino-américaine est intéressante parce qu'elle pose une bonne question de savoir est-ce qu'on est capable de distinguer un trou noir d'un trou de ver, c'est-à-dire un trou noir qui serait juste un accumulateur de masse, un ogre cosmique, ou simplement un passage vers un autre espace-temps, un autre monde, un autre univers. Et donc l'idée de Stoïkovitch, c'est d'essayer de voir si on pourrait détecter la variation d'une accélération d'une orbite d'une étoile de l'autre côté du trou de ver par son influence de votre côté à vous. Voilà, est-ce qu'on a cette influence qui se propage, cette influence gravitationnelle d'une étoile qui orbite autour d'un horizon, est-ce qu'elle traverse le trou de ver et est-ce qu'on est capable de la détecter de l'autre côté du trou de ver? Dans l'étude, il suggère de cibler les perturbations dans la trajectoire de S2. Tout à fait. Alors S2, c'est une étoile qui orbite autour de Sagittarius à étoile, qui est le trou noir qui est au centre de notre Voie lactée, notre galaxie, et donc dans la constellation du Sagittaire. Et cette étoile S2, qui est la plus proche du trou noir en orbite elliptique, l'idée du calcul de cette équipe, c'est de voir qu'il y aurait une variation de l'accélération de l'orbite. Et donc, ils ont calculé, c'est en fonction de la masse, évidemment, d'une étoile qui serait pas trop proche de l'autre côté de la sortie du trou de ver, et qui viendrait perturber ce qu'on appelle la métrique, c'est-à-dire l'espace-temps, et cette perturbation se transmettrait à travers le trou de ver et donc viendrait modifier l'accélération de l'étoile S2 qui orbite autour du trou noir Sagittarius à l'étoile. En bref, dans une étude publiée dans Nature, StarCraft 2 a trouvé son meilleur joueur, mais il n'est pas humain. StarCraft 2, c'est ce jeu vidéo de stratégie en temps réel, et son joueur numéro 1 est AlphaStar, une intelligence artificielle. Elle est basée sur un réseau de neurones artificiels créé par la filiale DeepMind de Google. Elle a été lancée dans le jeu l'été dernier, et après une centaine de parties, et grâce à un algorithme d'apprentissage automatique par renforcement, l'IA a accédé au niveau grand maître et a dépassé les 150 meilleurs joueurs en ligne. Une intelligence artificielle pourrait résoudre le fameux problème à trois corps d'Isaac Newton. Le problème à trois corps où comment trois objets gravitent autour de leur propre gravité déroute les physiciens et les mathématiciens depuis plus de 300 ans. On pense même que ce problème ne peut être résolu que par un ordinateur quantique. Selon une équipe internationale, un nouveau réseau de neurones artificiels pourrait trouver des solutions jusqu'à 100 millions de fois plus rapidement que les techniques existantes. Toutefois, leur recherche n'a pas encore été soumise à un comité de lecture. Elle est disponible sur le site d'Archive. Et Disney continue d'étendre son empire et cherche à conquérir le public chinois. Et Disney vient de signer un accord avec le géant China Literature, la plateforme de livres numériques qui compte plus de 200 millions d'utilisateurs. Disney prévoit de publier et de traduire en chinois 40 romans de l'univers Star Wars. L'opération vise à étendre son public en Chine, une fraction qui est encore résistante au succès de la franchise. Et pour conclure, comme chaque vendredi, par la rubrique que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience, celle des sciences improbables, figurez-vous que regarder des films d'horreur ferait perdre des calories. Ouais, des chercheurs britanniques ont mesuré la dépense énergétique de 10 personnes en train de visionner des films d'horreur. Leur rythme cardiaque et leur taux de rejet de dioxyde de carbone ont été mesurés. Conclusion, plus un film est terrifiant, plus la consommation énergétique est forte. L'explication physiologique, c'est que la peur envoie des signaux à l'organisme pour qu'il se prépare à répondre au danger. Dans cette étude, le numéro 1 de la dépense calorique, c'est Shining de Stanley Kubrick. En moyenne, les participants ont perdu 184 calories. Pour les dents de la mer, c'est 160 calories. Et pour l'exorciste, 158. Ça représente environ 30 minutes de marche à pied. Eh bien voilà, j'ai un collègue qui vont faire du sport ce soir. Merci beaucoup, Natacha. Nous sommes donc en direct de la Cité des Congrès à Nantes pour la 20e édition des Utopiales. Le thème cette année, c'est coder, décoder. Et parfois, eh bien, il faut dire que décoder la science-fiction, ça n'est pas toujours très simple. La plupart du temps, d'ailleurs, quand vous lisez ou que vous entendez le mot quantique dans une œuvre de science-fiction, eh bien, ça termine comme ça. Est-ce que l'un de vous a déjà étudié la physique quantique ? Juste pour faire la conversation. Ah, très bien. Alors, il y a 5 ans, juste avant Thanos, j'étais dans ce qu'on appelle une dimension subatomique. Le royaume quantique, un univers microscopique et immense. Pour y entrer, il faut être infiniment petit. Hope, c'est ma... Enfin, c'était ma... C'est elle qui devait me ramener, et là, Thanos a débarqué, et je suis resté coincé dedans. Navré, je suppose que ça vous a semblé très long. C'est justement ça. C'est pas le cas. Ça m'a fait l'effet de 5 heures. Les lois du royaume quantique ne sont pas les mêmes qu'ici. Tout y est totalement imprévisible. Est-ce que je peux prendre ce sandwich ? Je meurs de faim. Scott, où voulez-vous en venir ? Bon. Ce que je veux dire, c'est que... le temps passe bien plus vite dans le royaume quantique. Le seul problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas les moyens de s'y déplacer. Mais si c'était le cas ? J'arrête pas d'y penser. Supposer qu'on ait le moyen de contrôler le chaos et qu'on puisse s'y déplacer. Supposer qu'on trouve une porte ouvrant sur cette dimension subatomique à un certain point du temps et permettant d'en sortir quand bon nous semble à un autre point du temps. Comme, en gros, avant Thanos. Attendez, vous parlez d'une machine à explorer le temps ? Non, non, pas du tout, pas une machine à explorer le temps. Non, c'est plutôt une... Oui, c'est tout à fait ça. Je sais, c'est démentiel, mais... Mais je peux pas m'empêcher d'y penser. Il y a forcément... un moins... Oui, c'est démentiel. Scott, je reçois des mails d'un raton laveur. Alors, plus rien ne me paraît dément. Voilà, la physique quantique qui permettrait de remonter le temps. Alors évidemment, selon l'expression consacrée, les calculs sont pas bons. Éric Pichol, vous êtes navré à entendre ça. J'avoue n'avoir pas identifié le. Ah, c'est extrait du dernier Avengers de Marvel où on raconte qu'on va retourner dans le temps en passant dans le royaume quantique. Voilà. Bon, la physique quantique a longtemps, au XXe siècle, effectivement, donné lieu à beaucoup de fantasmes, d'interprétations assez curieuses. C'est que depuis quasiment une vingtaine d'années maintenant, on assiste à ce que je crois Alain Aspect appelle la seconde révolution quantique. Le fait qu'on commence à être capable de jouer avec les objets quantiques. On s'est longtemps demandé si un objet quantique existait véritablement. On a pu se demander si les atomes existaient. Maintenant, ce type de question métaphysique est plutôt laissé aux philosophes. Et les physiciens commencent à faire des choses. Il y a quelques jours seulement, Gogol a annoncé avoir réalisé un premier processeur quantique. Or, c'est un outil de démonstration. C'est juste pour montrer qu'on est capable de faire ce genre de choses. Mais on est capable aujourd'hui de travailler avec des objets quantiques, de faire de la technologie quantique. Et je crois qu'effectivement, on est encore loin de la machine à remonter dans le temps. Mais on va bientôt pouvoir faire des très jolies choses. Voilà, en tout cas, c'était l'illustration parfaite de la façon dont la science-fiction, un peu légère, pour utiliser un terme un peu doux, disons, ne s'embarrasse pas vraiment d'exactitude scientifique. Et pourtant, dès l'âge d'or de la SF, dans les années 50, il y a un courant de la science-fiction qui est l'exact inverse, qui s'embarrasse d'exactitude scientifique. On risque parfois de pousser la rigueur un peu trop loin et de devenir difficilement intelligible pour le commun des lecteurs. Ce courant, c'est donc celui de la hard SF, la science-fiction dure. C'est ce dont nous allons parler au cours de cette heure. Alors, est-ce que c'est une littérature élitiste pour un public de puristes ou au contraire une volonté de rigueur scientifique qui vient contrebalancer le space opéra et les batailles intergalactiques de rayons laser? Qu'est-ce que vous en pensez, Sylvie Denis? Pour revenir à ce qu'on vient de voir, il y avait également une trahison en ce qui concerne la langue anglaise, c'est-à-dire que je pense qu'en anglais c'était de quantum realm, mais en français on ne devrait pas dire le royaume, on devrait dire l'univers, et ça change tout à fait le registre de ce dont on parle. Donc pour revenir à la science-fiction, ce qui me semble nécessaire à la base, c'est de considérer que le lecteur de science-fiction est censé avoir une certaine culture, disons générale, commune, et que ce que voulaient les auteurs au départ, c'était tout simplement qu'on respecte des choses basiques comme le fait de savoir qu'un soleil, c'est une étoile, ce n'est pas une galaxie, ce n'est pas une planète, et parfois, dans le cinéma, on en est encore un petit peu, on en est un petit peu là. Là c'est quand même le niveau, c'est la SF pour les nuls, enfin, c'est la science pour les nuls, savoir que le soleil est une étoile, déjà, mais ça ne demande pas un grand niveau de culture scientifique. Oui, mais on est parfois surpris. Donc voilà. Donc ce qui est à partir de là, effectivement, les exigences ont comme qui dirait augmenté. C'est-à-dire qu'à mesure qu'ont été écrites des œuvres qui prenaient un champ spécifique de la science au sérieux et extrapolaient à partir des connaissances du temps, on a été de plus en plus loin et on finit par arriver effectivement à Peter Watts ou à Greg Egan. Un mot peut-être, Claude Eken, ce mouvement de la hard SF, en fait, il est quasiment concomitant de l'apparition de la science-fiction dans son acception moderne. On le voit émerger dès les années 50 chez John Campbell dans Astounding Science Fiction. C'est vraiment concomitant vraiment de l'explosion de la littérature de l'âge d'or. Effectivement, Campbell est celui qui a incité les écrivains à être un petit peu plus rigoureux et à respecter simplement les lois de la physique, puisqu'avant on se permettait d'écrire un peu tout et n'importe quoi parce qu'on disait qu'on était simplement dans l'imaginaire. Le fait de respecter ce que l'on connaît, quitte à pousser le curseur un petit peu plus loin, donnait quand même des effets plus intéressants et pour moi était très riche pour l'imaginaire, beaucoup plus enrichissant que si on avait une liberté totale hors de tout cadre. Comment est-ce qu'on définirait aujourd'hui, selon vous, Éric Pichol, ce qu'est le courant de hard SF? Je crois que la hard science fiction, comme tous les genres littéraires, a un spectre extrêmement large. Sylvie disait qu'on était parfois surpris, mais on est parfois à la limite de la littérature expérimentale. On peut effectivement chercher à mélanger la science la plus avancée avec la littérature et voir ce qu'on peut en faire. Alors ça peut parfois être réservé à une élite, mais on peut aussi faire des choses à tous les niveaux. Et je dirais qu'il y a deux éléments dans la science-fiction. On parle beaucoup de connaissances scientifiques, on pense souvent aux derniers résultats, mais on oublie souvent un élément qui est au moins aussi essentiel, qui est la méthode scientifique. Un auteur de la science-fiction, c'est avant tout, pour moi, quelqu'un qui comprend ce qu'est la méthode scientifique, qui ça ne veut pas dire toute son œuvre est scientifique. Claude Eken en particulier fait des choses extrêmement sensibles quand il joue avec la science. Mais il comprend ce qu'est la méthode scientifique, ses personnages comprennent ce qu'est la méthode scientifique, l'appliquent ou pas, se plantent ou pas quand il ne l'applique pas. Mais pour moi, l'art de science-fiction, c'est avant tout cette science-fiction qui fait très attention à la méthode. Et elle peut s'appliquer à toutes sortes de choses. Alors ça peut s'appliquer effectivement au tout dernier résultat. Il y a des auteurs qui s'en donnent à cœur joie avec les trous de verre, les trous noirs, enfin des tas de choses étranges pour le simple plaisir de leur étrangeté. Mais l'idée de jouer avec la méthode scientifique, et vous parliez de naissance ou l'apparition du genre dans les années 50, je le ferai remonter à la fin du 16e siècle. Vous pensez à quoi, par exemple? Les premiers auteurs de art science fiction, alors c'est évidemment un anachronisme, mais pour moi, c'est rien moins que Galilée et Kepler. Le premier texte que l'on connaît de Galilée, c'est un commentaire de l'Enfer de Dante. Et le jeu que joue Galilée, ou qu'invente Galilée, je crois que c'est le premier à faire ce genre de choses, je crois que c'est en 1587, c'est-à-dire je vais prendre très au sérieux tout ce que dit Dante dans l'Enfer. Je vais prendre chacune des indications qu'il me donne comme si c'était un fait scientifique, et je vais raisonner dessus, je vais chercher à travailler là-dessus, et en particulier je vais chercher à voir si à partir de là on est capable de dire où se trouve physiquement l'enfer. Et il déduit que l'enfer a quelque chose comme 400 km sous la surface de la Terre, en le situant très très précisément. Évidemment, Galilée sait parfaitement que l'enfer de Dante est une œuvre de pure fiction. Il ne cherche pas à faire de la science en faisant ça, mais il applique la méthode scientifique qu'il est en train d'inventer, de développer, y compris avec tout l'arsenal mathématique qu'il a à sa disposition, en jouant le jeu de la cohérence absolue et de l'application la plus rigoureuse possible de la méthode sur un objet qui, en l'occurrence, est de pure littérature. Et je citais Johannes Kepler, dont l'une des œuvres, peut-être la seule œuvre littéraire, est le songe ou astronomie lunaire. En l'occurrence, Kepler est copernicien, cherche à convaincre ses contemporains de l'importance de ce qui s'est passé avec Copernic. Il le fait d'abord en astronome, c'est-à-dire qu'il publie l'Astronomie Nouvelle, qui est un gros livre d'astronomie avec des tas de calculs dans tous les sens, des tableaux trigonométriques et essentiellement, comme vous le disiez à propos de l'art science fiction, totalement habitable. Donc quelque chose qui ne peut convaincre que ceux qui sont déjà convaincus, que les gens qui sont déjà des astronomes et capables de suivre des calculs astronomiques à la pointe de la science de l'époque. Il constate que ça ne marche pas et du coup il invente la science-fiction. Et le songe ou l'astronomie lunaire, c'est une pure fiction. Et il dit je suis un jeune astronome et je vais vous expliquer ce que c'est que la révolution copernicienne. Et en particulier, je vais commencer par l'expliquer à ma vieille maman. Sauf que sa vieille maman, en l'occurrence, n'est pas surprise du tout. Je lui dis t'es bien gentil, mais moi je suis une sorcière et je passe tous mes week-ends sur la lune, pour faire simple. Et d'ailleurs, je t'y emmène. Et donc, Durakotus, le héros de Kepler, se retrouve sur la Lune, observe la vie des lunatiques. La Lune, là-bas, c'est Volva, observe toute la géographie de Volva. Et surtout, à un moment donné, il lève les yeux, il voit la Terre. Et c'est simplement là que voulait en arriver Kepler. C'est tout un long travail avec, non pas des équations en l'occurrence, même s'il y a beaucoup de calculs aussi, de petits dessins, de petits schémas dans les notes. C'est le jeu de la suspension d'incrédulité. À partir du moment où vous avez réussi à amener le lecteur à entrer dans une expérience de pensée, à vous accompagner sur la Lune parce que l'histoire est jolie, parce que l'histoire est intéressante, il est prêt à vous suivre quand vous regardez la Terre. Or, le simple fait de regarder la Terre depuis un point de vue lunaire, c'est déjà avoir renoncé au point de vue géocentrique. Alors que le point de vue héliocentrique était problématique pour des religieuses, le point de vue sélénocentrique ne l'est pas. Et donc Kepler n'hésite pas à employer la fiction simplement comme outil de promotion et de vulgarisation pour contourner les préjugés de son époque. Sylvie Denis, votre conception, votre acception de la science-fiction dure, de la hard SF? Ce serait ce que Eric a appelé des expériences sur des idées, tout simplement. À partir de, si on considère effectivement que ce dont tu parlais est un texte de science-fiction, à partir du moment où il y a un point de départ et où on extrapole et où on fait une expérience et où on emmène le lecteur dans un monde qu'il ne connaît pas, c'est très important, et où il va expérimenter un sentiment d'étrangeté, de surprise, d'émerveillement et d'envie de connaître. ce qui est quand même plus qu'important, là on est dans la science-fiction. Le terme art science apparaît aux États-Unis en 1957. Donc c'est un petit peu après Kepler quand même, mais bon, c'est pour vous donner une idée de... Mais est-ce qu'il y a un marqueur qui fait basculer une œuvre dans le domaine de la art science? Est-ce qu'il y a une volonté de l'auteur? Qu'est-ce qui crée en fait cette catégorie à l'intérieur du genre? C'est pas évident du tout à déterminer, parce que mon point de vue à moi, c'est que j'ai beaucoup de mal à considérer comme science-fiction une œuvre qui n'entre pas dans les conceptions que nous avons de la physique, du temps et de l'espace de nos jours. Donc, à partir de là, c'est tout simplement une fois qu'on est d'accord sur ça, ça va être le choix de l'auteur de décrire tel ou tel univers et de faire des expériences sur des idées plus ou moins complexes. On peut pousser le curseur extrêmement loin. Claude Ekane, est-ce que le seul respect de la méthode scientifique, la seule rigueur scientifique, suffit pour accepter, pour faire passer justement un ouvrage dans la catégorie de la art science fiction? Ou est-ce qu'il y a quand même tout de même un niveau de connaissance? Quand on voit Greg Egan, il y a certains bouquins de Greg Egan, il faut un doctorat de physique quand même pour réussir à comprendre à peu près de ce dont il est question. La rigueur scientifique ne suffit pas. Bon, on pourrait comparer un peu cette littérature comme une expérience de pensée. C'est-à-dire qu'il y a le substrat scientifique au départ, mais ensuite il faut le faire passer à travers une histoire, et Greg Egan sait aussi raconter des histoires. Et au départ, les premiers auteurs de hard science étaient des auteurs qui étaient peut-être des physiciens et qui racontaient des histoires d'un point de vue tellement rigoureux que le lecteur non averti s'endormait, quoi. Les descriptions étaient beaucoup trop longues. Il a fallu petit à petit qu'ils apprennent aussi à raconter. À partir de là, moi, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est toujours l'impact sur l'humain. On a une technologie, on ne va pas seulement parler de volonté de puissance, c'est-à-dire de ce que l'on peut faire avec cette technologie, mais quel est l'impact et quelle réflexion peut en avoir. En cela, c'est aussi une réflexion scientifique, philosophique, qui nous permet d'allier les aspects scientifiques avec l'humain. Il faut toujours ramener vers l'humain, et je pense que c'est une littérature qui est essentiellement centrée sur ça. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h30, en direct de la Cité des Congrès pour le festival Les Utopiales, nous parlons de hard SF, de science-fiction dure, en compagnie de Sylvie Denis, de Claude Ekane et d'Éric Pichol. Éric Pichol, j'ai retrouvé une interview intéressante où vous parliez de cela. Vous disiez, en tant qu'amateur de fiction spéculative et de hard SF, je n'ai pas vraiment trouvé dans la SF française ce que je cherchais pendant ma jeunesse, parce qu'elle était dominée par la SF politisée à la fin des années 70 et le formalisme limite au milieu des années 80. Plus tard, j'ai même publié quelques nouvelles assez hard science, plus pour que cette niche ne reste pas inoccupée, parce que je me considérais comme un auteur intéressant. Ça veut dire que la hard science fiction, la hard SF, c'est un double inverse de la SF politique? Un double inverse, je ne suis pas sûr. La hard SF peut être relativement militante aussi. Il y a une militance, je ne saurais pas dire scientiste, mais choisir le camp du progrès scientifique en quelque sorte. Le simple fait d'être persuadé que la science évidemment a des dangers, que la technologie évidemment a des dangers, mais a aussi des promesses, c'est un choix politique. Et le fait de militer pour l'appropriation de la science et de la méthode scientifique par le plus de gens possible, c'est aussi de la militance. Le groupe Limite était purement formaliste. Je ne suis pas loin de penser d'ailleurs qu'il y a une art d'essai formaliste aussi. On a des, je pense à des poèmes de Jean-Marc Lévy-Leblond, je pense à des textes d'Arthur C. Clarke qui cherchent la forme scientifique et qui cherchent typiquement des jeux sur les récurrences, des jeux sur les mathématiques qui auraient tout à fait pu s'intégrer dans les travaux de Limite. Ce qu'on a appelé, alors je ne sais plus combien il y a de F, mais la science-fiction française, la SFFF, très, très politique des années 70, était une science-fiction qui était militante aussi, mais largement anti-scientiste ou anti-technologique. Alors c'est le choix opposé. Sylvie Denis. C'était pas mal de textes militants. Donc il y avait un contexte particulier, post-68, avant 81. c'est vraiment une période particulière de la science-fiction en France, où il y avait un certain nombre de collections qui se vendaient énormément et où la SF avait une visibilité qu'elle est peut-être en train de retrouver aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est vraiment une histoire, un moment particulier. On retrouve d'ailleurs ça aussi dans la science-fiction anglo-saxonne avec des auteurs d'anticipation de la fin des années 70, début 80, mais la question c'est de savoir, est-ce que les deux sont compatibles? Est-ce qu'il y a d'un côté la rectitude scientifique, la SF un peu élitiste de la hard SF, et de l'autre côté une SF anticipatrice, politique, plus militante? Non, je pense que les deux sont absolument compatibles. D'une part, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Eric. D'autre part, parce que des gens comme Greg Egan, justement, ont des thématiques éminemment politiques. Dans Orthogonal, qui est une de ces séries non traduites et pour cause les plus poussées, les extraterrestres, enfin les gens qui vivent dans cette dimension où les lois de la physique sont différentes, sont des sortes de métamorphes qui peuvent changer leur corps comme ils veulent, et surtout dans lesquels chez qui les femelles, quand elles mettent au monde des enfants, meurent, et donc ce sont les mâles qui les élèvent. Et il y a tout un fil de cette trilogie où on a un combat féministe entre guillemets pour obtenir des moyens de contraception et pour aller au-delà de cette pesanteur de la biologie. Donc, c'est un propos éminemment politique. Par rapport aux deux pôles de la science-fiction, je dirais qu'on ne commence pas à lire par Dostoïevski. Pourquoi pas ? On commence par des récits plus simples, et il faut d'abord faire rêver, donner envie de découvrir ce genre d'histoire, et finalement, petit à petit, se poser des questions sur l'extraterrestre. Pourquoi, si on imagine qu'il a des yeux pédonculés, si on imagine qu'il a telle forme, comment il pourrait vivre, comment il pourrait s'en sortir. Donc lorsqu'on commence à chercher à expliquer son mode de fonctionnement, on en vient à chercher des réponses à travers la science, et c'est comme ça que je conçois cette littérature. Je suis toujours un petit peu heurté lorsque je lis un récit et où je découvre une faute flagrante du point de vue scientifique. Ou à mon avis, ça me casse l'histoire de la même manière si je voyais un micro flotter en regardant un film. On me rappelle qu'il ne s'agit que d'une histoire et j'en sors. Donc il vaut mieux être plausible le plus possible, mais ne pas s'interdire évidemment de rêver. La question finalement, c'est est-ce que en poussant loin les boutons de la hard SF, en poussant très loin la volonté de rectitude scientifique, est-ce que ça ne va pas un peu... C'est prendre le risque, en tout cas, d'aller à l'encontre de ce fameux sense of wonder de la littérature de science-fiction? Alors, c'est toujours un petit peu gênant, et je suis très attentif à ça. C'est-à-dire que j'essaye de donner les explications au lecteur qui vont lui permettre de comprendre ce que j'essaye de mettre en place. Le problème, c'est que si je donne trop d'explications, je serai didactique, et ça nuit au récit. Donc... on ne met pas tout, mais de toute manière, on ne peut pas s'adresser à tous les lectorats en même temps, ce qui fait que j'essaie de ménager la chèvre et le chou, d'être un petit peu scientifique et peut-être de laisser entendre à ceux qui en connaissent davantage que voilà, j'ai expliqué quelque chose qu'ils pourront comprendre sans donner les détails techniques qui vont rebuter le lecteur qui n'est pas au fait. Claude Ekane, vous disiez à propos des souterrains du temps que vous cherchiez un concept de bombe temporelle qui aurait le mérite de vieillir ce qu'elle atteint. Vous avez demandé conseil au président Roland Lehoucq, qui vous a dit que c'était strictement impossible. Et derrière, vous dites, eh bien, puisque c'est impossible, je l'ai pris au mot et j'ai quand même cherché à fouiller la physique. Et j'ai tenté de relever le défi en jouant sur le voyage spatial hyperluminique sur un tube de Krasnikov basé sur la métrique d'Alcubierre. Voilà, bon, ça fait un jeu. C'est une politesse de l'esprit. Voilà, là on s'amuse. Bon, c'est-à-dire... j'ai pas de formation scientifique, hein, mais par contre, évidemment, je lis toutes les revues de vulgarisation, puis à force de lire de la science-fiction, on découvre quand même la science en même temps. Ce qui est intéressant avec des gens comme Roland Lehoucq ou d'autres scientifiques, c'est qu'on peut les tirer par la manche et leur demander de nous donner un petit coup de main. Au moment où j'avais posé cette question à Roland, bon, il m'avait dit, évidemment, on est dans le temps, on ne peut pas sortir du temps, et je m'étais dit, je vais essayer de trouver un moyen... de contourner cette loi. Ce qui est intéressant aussi, c'est toujours de chercher les failles à travers ce que l'on sait de la science et qui pourrait être plus ou moins plausible, en tout cas acceptable. Et à partir d'un de ces articles qu'il avait publié pour la science, j'avais trouvé un petit moyen de passer par les trous de verre, puisqu'à ce moment-là, le temps ne s'écoule plus à la même vitesse et qui permet à ce moment-là de voyager à travers le temps. Donc ce sont des petites idées comme ça qui nous titillent. Là, je viens d'entendre dans l'actualité, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y aurait une influence gravitationnelle à travers des trous de verre. Ça, c'est quelque chose qui me fait réfléchir parce que je me demande comment je pourrais jouer avec ça. Voilà. Et c'est un jeu quand même, mais c'est un jeu à partir de la science. C'est intéressant cette notion de jeu pour l'auteur. C'est un jeu pour l'auteur, mais est-ce que c'est un jeu qui inclut le lecteur ou est-ce que c'est justement une politesse de l'esprit un peu égoïste, Sylvie Denis ? Ah non, pas du tout. Le but, c'est jamais d'ennuyer le lecteur. Je vous titille un peu. Non, moi, je ne procède pas toujours, et en fait, très peu souvent comme Claude, parce que j'en ai pas les moyens mathématiques, va-t-on dire. Donc, j'ai tendance à avoir des idées et ensuite à aller chercher dans des articles scientifiques si quelque chose a été écrit ou dit qui va recouper et qui va me permettre peut-être d'expliquer, de justifier ou de rendre, de donner un effet de réel dans mon texte. Ce qui est pas tout à fait la même approche, mais tout l'art de la SF, c'est une distillation d'informations qui est faite pour le but, c'est d'avoir à la base des situations intéressantes, c'est des situations où sont les personnages qui ne sont pas les situations dans lesquelles ils se seraient trouvés dans un monde comme le nôtre, puisque on est dans le futur, la science a explosé, a avancé, le monde est différent, donc les choses ne se passent pas de la même façon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui m'intéresse d'écrire quand j'écris de la fiction. Éric Pichol, sur ce lien entre Art SF et Sense of Wonder, est-ce que c'est pas un peu antinomique l'un et l'autre ? Antinomique, non. Sur le principe, non. Ensuite, c'est extrêmement difficile de faire passer des idées très technique et très sophistiqué au très grand public. C'est très difficile de créer du sense wonder et c'est extrêmement difficile de faire les deux à la fois. Donc ça demande simplement un immense talent et tous les auteurs ne l'ont pas. Donc il y a autant de projets de textes qu'il y a de textes. Certains auteurs effectivement visent à faire le texte qui marquera la science-fiction et qui effectivement arrive à créer non seulement un sense wonder au moment de la lecture chez le lecteur, mais qui changera l'imaginaire scientifique collectif durablement. Et certains grands auteurs y réussissent. D'autres auteurs, on parlait de quelques textes de Greg Egan, je pense à Incandescence par exemple, qui s'adresse probablement à quelques centaines de lecteurs dans le monde. C'est un exercice de style pour montrer que c'est possible d'aller extrêmement loin. Vous dites à propos d'Incandescence que Greg Egan est un pervers. Oui, Incandescence est un roman qui est extrêmement, extrêmement difficile. On peut rappeler, Incandescence, c'est un astéroïde qui est en orbite autour d'une naine blanche et du coup, la mécanique devient extrêmement, extrêmement complexe, la physique devient infernale. Incandescence rejoue la révolution galiléenne. Donc, on est dans une société où la science n'existe pas, une société extraterrestre, évidemment. Et un tas de considérations font qu'on va avoir besoin d'une technologie relativement rapidement, donc on a besoin d'inventer la science, et on suit un personnage qui essentiellement joue le rôle de Galilée, qui réinvente l'équivalent de la chute des corps, l'équivalent du principe de relativité. Il redécouvre la physique, il réinvente à la fois la physique et la méthode scientifique, sauf qu'effectivement, Greg Egan est un peu pervers. Au lieu de faire ça dans un univers comme le nôtre, il fait ça dans un astéroïde qui est en orbite autour, je ne sais plus si c'est une naine blanche ou un trou noir, en tout cas dans un champ gravitationnel extrêmement intense, avec des gradients gravitationnels extrêmement puissants partout, et donc on est obligé de sauter l'étape de la relativité galiléenne pour passer quasiment tout de suite à la relativité générale. Donc comment inventer la science et la méthode scientifique dans des circonstances aussi compliquées? Alors ça, c'est effectivement un jeu. J'aime beaucoup la définition de Gregory Benford qui dit que écrire l'art SF, c'est jouer au tennis avec le filet relevé. Je demandais tout à l'heure ce qui différencie l'art SF des autres littératures. Les autres littératures s'autorisent des facilités. Quand c'est trop compliqué, on fait passer sous le tapis la difficulté et le lecteur, qui est en général bienveillant, accepte. L'auteur de l'art SF s'interdit ce genre de facilité. Et Greg Egan tend à les multiplier. Et en l'occurrence, il va tellement loin que Moi-même, quand j'ai lu En connaissance, alors que je suis un physicien professionnel, qu'il a pu m'arriver d'enseigner la mécanique et ce genre de choses, bah, je faisais des petits crobards sur un papier à côté pour être sûr de bien comprendre ce qu'il était en train de raconter. Et En connaissance est un roman. Il y a très très peu d'équations. Enfin, les équations sont pas. Mais il a développé sur son site web, il y a une dizaine de pages d'équations très topinales pour expliquer ce qu'il a voulu faire pour les lecteurs curieux qui voudraient refaire les calculs. Alors quand on parle de hard SF, c'est vrai, je le disais au début de cette émission, on parle souvent de physique quantique parce que la physique quantique, même quand on essaie d'y coller avec rigueur, on est vite obligé de prendre des libertés si on tient un tant soit peu à essayer de raconter une histoire. Je vous ai amené un extrait d'un film qui s'appelle Cohérence, un film de James Ward Birkitt. C'est en version originale parce qu'il n'existe pas de version française, mais je vous traduis ça dans la foulée. Quantum decoherence ensures that the different outcomes have no interaction with one another. So that one note has been written at least 4 times. Well, how many human Amirs are walking around out there? Okay, before we do anything, we have to figure out how to mark our own house. Just stay inside. No, she's right. But staying inside isn't realistic. Look, we need some kind of marker. We gotta mark this house. If every house is the same, if we put a marker in front of the house, there could be an infinite number of houses with that marker. Right, so we have to do something random, something that can't be repeated, something that... Dice. Do we have dice? Yeah, dice. Yahtzee. If we each roll a number for each of us... Voilà, dans Cohérence, c'est un groupe d'amis qui se retrouve enfermé dans une maison et d'un seul coup, suite au passage d'une comète un peu proche de la Terre, eh bien, il y a un effet de décohérence quantique qui fait que bien, cet univers est répété à l'infini. Et là, ils cherchent justement à expliquer ce phénomène de décohérence quantique et ils ajoutent à ça un jeu statistique pour essayer d'être sûr, quand ils sortent de la maison, de retrouver la bonne maison et de ne pas passer dans une réalité virtuelle. Et donc, ils ont un jeu où ils essayent de rajouter des dés et des objets pour avoir vraiment une boîte qui va permettre d'identifier précisément la maison et on commence à faire des nœuds avec cette situation, ce jeu. Est-ce que ça, on peut considérer qu'on est dans... Évidemment, ça n'est pas stricto sensu rigoureux scientifiquement, mais qu'on joue tout de même avec un substrat scientifique suffisamment solide pour être dans le domaine de l'art SF, Eric Pichol. Je n'ai pas vu le film, donc j'ai évidemment pas d'avis dessus. Clairement, pour l'extrait que j'ai entendu, les auteurs essayent de s'approprier la notion de décohérence et de mettre des mots dessus. Pour ce que j'en ai compris, je suis pas sûr effectivement qu'ils aient véritablement réussi. Mais le film est pas mal. On parlait de Greg Egan. Greg Egan, typiquement, je crois pas qu'il y ait de malédiction de ne pas pouvoir parler du monde de monde quantique de façon littéraire. Là encore, c'est juste extraordinairement difficile. Greg Egan, par exemple, s'est amusé à écrire une nouvelle jouant sur la dualité en corpuscule. En physique quantique, on a la possibilité de décrire, on a un choix à faire, soit on décrit le monde en termes de corpuscule, soit on le décrit en termes ondulatoires. Nous avons l'habitude de raisonner en termes de corpuscule. Toute notre culture est basée sur des descriptions corpusculaires du monde. Bah, Greg Egan s'est dit que c'était vraiment dommage de ne pas essayer de décrire le monde de façon ondulatoire et a écrit une nouvelle qui s'appelle Garde frontière. Je crois que c'est dans le recueil océanique. Où essentiellement il décrit une partie de football quantique où il décrit entièrement un scénario de jeu d'un point de vue ondulatoire. C'est un tour de force, mais il a montré que c'était possible. C'est intéressant, Claude Ken, parce que vous avez une théorie, vous, sur la science-fiction qui serait aussi duale, onde et corpuscule. Oui, enfin, écrire un roman de science-fiction là-dessus, oui, mais enfin, bon, là, pour le moment, c'est sans projet. J'ai plutôt envie de ramener l'univers quantique à notre macrocosme et donc d'essayer d'imaginer un personnage qui aurait toutes les propriétés de la particule. Bon, ce qui est pas évident, mais c'est peut-être ce que l'on a dans Cohérence. Hein. Je ne sais pas si tous les gens auront bien perçu ce que veut raconter le film, mais nous avons une superposition d'états avec différentes maisons semblables. Peut-être qu'ils m'ont pensé qu'il s'agit d'univers parallèle où on peut changer de situation. Et là, oui, c'est un essai de ramener à notre niveau le monde quantique et ce qui permet de mieux le percevoir. Et j'ai l'impression là que tout ce qui est récit de science-fiction, nous servons un petit peu de passeurs par rapport à la science, parce qu'il y a une sorte de vulgarisation scientifique à travers le récit qui permet de mieux comprendre certaines choses, même si ce n'est pas rigoureusement exact, même si le but même du récit n'est pas de faire de la vulgarisation, cela participe quand même à diffuser des connaissances scientifiques à travers le public. On peut le voir avec les récits des années 30, des années 50, et puis celles qui sont aujourd'hui. On voit bien que de plus en plus, on parle de quantique, mais c'est quand même dans 1927 que ça s'est passé, c'est-à-dire c'est presque 100 ans. Hein. Donc il y a cette forme de passage, et le lieu ici, qui mélange les graphismes, les illustrations, le cinéma, la vidéo, le roman, et en même temps les échanges avec tous les scientifiques, sert aussi à ça. Et le jeu vidéo, bien sûr. Sylvie, bien Denis, sûr. Un mot, comment est-ce qu'on s'approprie, vous qui traduisez, vous qui écrivez, qui avez traduit Greg Egan, comment est-ce qu'on travaille le matériau quantique quand on veut l'adapter en fiction? C'est quand même une sacrée paire de manches. Déjà, on a lu pas mal de science-fiction avant de traduire Greg Egan ou de traduire Baxter et autres. Donc, ça permet déjà d'avoir en tête un certain nombre de concepts. La physique quantique, pour pas mal d'auteurs de science-fiction, ça aide essentiellement à créer des univers parallèles et à promener des personnages de l'un à l'autre et à leur poser des limites dans des situations plus ou moins agréables. À partir de là, quand on a quelqu'un comme Greg Egan, ben on bosse, on consulte des dictionnaires, on a Internet, c'est absolument merveilleux. Enfin, on fait le travail qu'on ferait de toute façon pour un roman historique, s'il y avait un contexte qu'on connaissait moins bien que d'autres, et on fait son travail. On traduit du langage, et le langage, c'est simplement des mots. Je peux très bien traduire une phrase en ayant traduit tous les mots, et faire en sorte qu'elle soit grammaticalement correcte et lisible, et ne pas savoir ce qu'elle dit, parce que je n'ai pas compris les concepts, et que je ne possède pas les concepts que l'auteur a employés. Mais ça, c'est la magie de la traduction, c'est pas celle de la physique. Claude Ekenn, quelle est la limite, quelle est la frontière justement dans le travail de documentation par exemple? Est-ce que vous vous fixez des paliers d'intelligibilité où vous dites, non là vraiment je pousse le bouchon un peu trop loin, je vais perdre tout le monde? Ou pas? Il ne faut pas avoir de limite si l'on fait de l'imaginaire. Il n'y a pas de limite à l'imaginaire. On sera d'accord avec ça. Par contre, il y a quand même un certain travail de cohérence avec son univers, de plausibilité aussi, où effectivement on peut donner l'impression, par moment, d'aller trop loin. Mais je crois qu'on le sait et que c'est à l'intérieur même du récit que l'on va trouver des passages qui permettront d'atténuer ces aspects-là. C'est-à-dire, la limite, on peut se permettre de délirer. C'est une caresse, une mandale, quoi. Voilà, bon, il faut trouver les béquilles intellectuelles qui permettent de faire tenir l'édifice, quoi. Voilà. Claude est très modeste, mais il fait partie des auteurs qui font un travail colossal de documentation. Beaucoup et de qui savent être extrêmement rigoureux dans son utilisation. Justement, ce travail de documentation, parlez-nous-en un peu, Claude Ekenn. Comment c'est un travail gigantesque, voilà. C'est plus d'heures de documentation, d'écriture. Comment est-ce que vous travaillez? J'ai besoin d'avoir beaucoup plus que ce que je vais mettre dans le récit. Ça, c'est sûr. Et très souvent, c'est la documentation qui va me donner une idée supplémentaire par rapport à des scénarios qui ont peut-être déjà été écrits. Et lorsque l'on rentre dans le détail, on se rend compte que là, il y a peut-être une petite pépite narrative que l'on pourrait exploiter. Pour l'histoire de tout à l'heure avec mon personnage qui aurait les propriétés d'une particule, je veux en même temps me situer à Vienne, au début donc de la naissance de la physique quantique, enfin pour moi je le mets à Vienne, et je voudrais raconter tout le début de la physique quantique. Donc je relis tous les textes scientifiques de l'époque. Et puisque nous sommes à Vienne et qu'il y avait une sorte de synergie intellectuelle autour de ce type d'idée de dualité, corpuscule, il y avait par exemple les écrivains qui ne faisaient que raconter des histoires de double, un peintre comme Hegel Schiele qui se représentait en autoportrait vivant et mort à la fois. C'est quand même vraiment édifiant. Donc je vais tout lire, tout relire, pour être sûr de n'avoir rien oublié. Parfois je lis des choses qui ne me servent absolument à rien. Tant pis, ça fait partie du jeu. Mais autant faire le boulot bien, sinon c'est pas la peine. Ça veut dire que vous constituez des notes, vous avez des fiches que vous compulsez, Pour le moment, j'ai beaucoup plus de notes que de textes écrits. Oui, c'est pratiquement le double. Éric Pichol, sur cette dualité non plus onde-corpuscule, mais la dualité caresse-mandale dans la hard SF, est-ce qu'on peut dire que le pacte narratif avec le lecteur est un petit peu modifié? C'est-à-dire que l'auteur de hard SF lui dit, voilà, accrochez-vous, ça va secouer un peu, mais au final, le voyage en vaut le coup. Ça va secouer un peu, pas nécessairement. On peut faire de la hard SF pour les enfants. Ça peut être, on peut faire des choses à tous les niveaux. L'exigence de rigueur n'est pas forcément une exigence de difficulté extrême. Donc, on a une exigence de cohérence interne. On a une exigence interne et externe. D'ailleurs, il ne faut pas être en contradiction ni avec ce qu'on a déjà dit dans l'histoire, ni avec ce qu'on sait du monde. On a une exigence de rigueur dans l'approche documentaire. Ça ne veut pas forcément dire qu'on aborde systématiquement des sujets compliqués, et ça ne veut pas forcément dire qu'on renonce à être intéressant et à passionner le lecteur. Donc non, il n'y a pas véritablement de dualité de ce point de vue-là. On peut jouer ce jeu-là à tous les niveaux, de la hard SF la plus pointue. Je voudrais en profiter pour donner un coup de chapeau aux traducteurs, puisqu'on en a parlé, mais aussi aux illustrateurs. C'est affreusement compliqué. Enfin, pour moi, qui suis plutôt... Un homme d'expérience et d'équation que de représentation visuelle. Je suis totalement ébahi par la capacité de certains artistes à rendre compte visuellement, sans l'ombre d'un formalisme, sans l'ombre d'une équation, de certaines idées quantiques. Je pense à la couverture de Flux, qui est un roman de Stephen Bachter par Manchu, qui arrive à nous donner une représentation de choses qui se passent à une échelle nucléaire, en tout cas, et qui est à la fois esthétiquement superbe, respectueuse du texte, et pas totalement absurde d'un point de vue scientifique. On va trouver cette illustration, on va vous la poster sur le fil Twitter de l'émission. Claude Ecane, vous voulez réagir? Sur le côté documentation, il y a aussi la dimension épistémologique. Ce qui est intéressant là, c'est de savoir comment on a découvert telle ou telle chose. Parce que le fait de le dire, ce n'est rien, mais quelle est l'expérience de pensée, par quels moyens on a pu réaliser et découvrir tout ça, ça c'est vraiment intéressant. Et de voir, par exemple, pour ce qui est de la physique quantique, comment les gens ont travaillé avec les conditions qui étaient les leurs à l'époque et avec le matériel dont ils disposaient, c'est carrément fascinant. Donc il y a aussi cette dimension-là que j'essaie de restituer, ce travail intellectuel de tous ceux qui font avancer la science. Vous diriez aujourd'hui, les uns les autres, que ce mouvement de hard SF, compte tenu de la complexification grandissante des différents domaines scientifiques, il est aujourd'hui plus florissant, il est aujourd'hui bien représenté, il a aujourd'hui suffisamment de voix au chapitre de la science-fiction, Sylvie Denis ? Il est bien représenté, mais il est représenté par peu de gens. Parce qu'au niveau éditorial, les gens qui se sont extrêmement développés ces 30 dernières années, c'est quand même beaucoup la fantasy, le steampunk, tout genre éminemment respectable, là n'est pas la question. Mais en nombre de titres et en nombre d'auteurs, c'est vrai que ça devient plus difficile de trouver des textes qui entrent vraiment dans le cadre hard SF. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a cité Gregan, Peter Watt, Gregory Benford, il n'écrit plus beaucoup... quelques-uns, Charlie Strauss, j'en oublie certainement, on est rapidement à court d'auteur, ce qui est quand même un petit peu dommage quand on cherche ce genre de récit. Éric Pichol ? Pour moi, il est évident que la science-fiction est en profonde mutation et dans un sens qu'il éloigne de la science-fiction. La science-fiction de l'âge d'or, on ne parlait pas encore de science-fiction, de hard science-fiction, mais parce que c'était une quasi-évidence que la science-fiction était la littérature qui était en rapport avec la science et qui jouait ce jeu de respect de la rigueur scientifique et des faits scientifiques. C'était une quasi-banalité, ça allait sans dire. À la fin des années 50, dans les années 60, il a fallu commencer à le dire, mais il était encore à peu près évident pour tout le monde que la science-fiction était peut-être le seul genre qui avait un cœur, et ce cœur, c'était la science-fiction. Alors on pouvait jouer à s'en éloigner, on pouvait faire des tas d'autres choses, mais la littérature de science-fiction restait en rapport plus ou moins lointain, plus ou moins direct avec ce cœur dur. Et il me semble que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, ce n'est plus vrai. La science-fiction, maintenant, c'est une communauté extrêmement large qui inclut effectivement la hard science-fiction, qui inclut une science-fiction qui ressemble à celle de l'âge d'or, mais qui n'est qu'une composante parmi beaucoup d'autres de quelque chose qui va, effectivement, Sylvie parlait de cyberpunk, mais on a des choses qui vont quasiment jusqu'à la fantasy. Les deux ou trois derniers présidents de la SFWA, la grande association des auteurs américains, sont des gens comme John Scalzi, qui fait de la science-fiction relativement soft. Aujourd'hui, on vient d'élire Marie Robinette Koval, qui est un auteur très talentueux, quelqu'un de tout à fait adorable, mais qui n'est pas véritablement un auteur de science-fiction, qui est très minoritairement un auteur de science-fiction, qui a des choses qui sont beaucoup plus à la limite du fantastique, de la romance éventuellement, et qui est tout à fait représentative de ce qu'est sociologiquement la science-fiction aujourd'hui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire une maison où on se sent bien, où de plus en plus de gens qui viennent. Il suffit de voir l'affluence dans ces utopiales pour voir que la science-fiction fait partie de la culture commune aujourd'hui, que des tas de gens sont curieux de science-fiction, mais que ces gens-là ne sont pas tous des amateurs de science-fiction, et que s'intéresser à la science-fiction aujourd'hui, c'est aussi bien s'intéresser aux jeux de rôle, c'est aussi bien s'intéresser à la fantasy, c'est aussi bien s'intéresser à l'imaginaire en règle générale. À l'imaginaire en général. Claude Ekenne, sur justement cette nouvelle génération d'auteurs de hard SF, vous pensez que c'est un genre qui tombe justement un peu en déshérence, comme on vient de l'entendre ? Je ne sais pas s'il tombe en déshérence. À l'époque, il n'y en avait peut-être pas beaucoup. Et puis, disons qu'il n'était peut-être pas vraiment lu. Je pense quand même qu'ils ont davantage de succès. Bon, Greg Egan, je ne sais pas quel est son lectorat. Mais si l'on regarde Stephen Baxter, qui est quand même assez art science, et quelqu'un qui fonctionne plutôt bien, qui a pas mal de lecteurs, il y a une nouvelle génération de gens qui se posent des questions plutôt actuelles à travers leurs romans. J'adore aussi Peter Watts, avec Vision aveugle, ou bien sa trilogie Starfish, qui nous présente des gens en train de rechercher l'énergie au fond de l'océan, là où les rifts, c'est-à-dire les fumeurs noirs, là où il y a les plaques tectoniques. Mais on peut aussi citer des auteurs francophones. Il y a Laurence Huner qui a écrit sa trilogie Quantica, qui est vraiment basée sur la mécanique quantique, qui a été récompensée ici et qui a fait un travail formidable, là, oui. Sylvie Denis. On ne doit pas oublier Laurent Genefort. Bien sûr. Oui. Tout de même. Ben voilà, vous avez de quoi repeupler votre bibliothèque de hard SF. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Sylvie Denis. On peut vous lire évidemment Dedans, Dehors, L'Empire du Sommeil, La Saison des Singes, c'est chez l'Atalante. Merci Claude Ekenne. Je crois que Le Monde tout droit réservé au Bélial va être réédité parce qu'il est épuisé pour le moment. Voilà, bon, vers 2021, oui, il était épuisé dans les deux versions, grand format et poche. Eric Pichol, on peut vous lire dans Solution non satisfaisante, une anatomie de Robert Heinlein, dont on a à peine parlé, alors que c'est peut-être l'un des grands noms de la RDSF. Ça sera pour une prochaine fois. Ce sera pour une autre émission, ces éditions des Moutons Électriques. Puis vous pouvez vous procurer, évidemment, comme chaque année, ou en ligne, si vous nous écoutez, ce recueil des Utopiales de 2019, où vous trouverez des nouvelles de Sylvie Denis, de Claude Ekenne, mais pas que de la RDSF, pas que des auteurs confirmés. Il paraît même qu'il y a une nouvelle d'un producteur d'émissions scientifiques sur France Culture, comme quoi l'opportunisme des éditeurs de science-fiction est vraiment sans limite. Merci beaucoup, merci au public des Utopiales qui est venu effectivement très nombreux et qu'on salue chaleureusement. Merci à toutes les équipes, merci à Roland Lehoucq, à Jade Adeba, à Mona Jamois notamment, merci à Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Olivier Bétard, à la réalisation, Christian Laondès, Alexandre Jam, Christophe Papon et Benoît Jégou à la technique. La semaine prochaine, dans le labo de la méthode scientifique, lundi, nous vous parlerons des maladies nosocomiales, mardi, de la face cachée de la Lune, mercredi, des organoïdes dans la recherche biomédicale, jeudi, des maladies à la préhistoire, et vendredi, ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Encore merci à tous d'être venus si nombreux, excellent festival à tous, et on retourne à Paris dans un instant. France Culture, l'esprit d'ouverture.